Donc, toi, Marie, j'avais envie de te rencontrer, Marie Mouremans. J'avais envie de te rencontrer, c'est pas toi personnellement, c'est plutôt le ralliement des fourchettes. C'est un food truck qui donne l'accessibilité à une alimentation, j'ai du mal à le dire, à une alimentation de qualité. Bon, ça veut rien dire comme ça, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est le food truck, ça donne à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Voilà, parlons simplement. Je ne sais pas si c'est juste de dire ça. Oui, alors c'est l'ASBL, en fait, le ralliement des fourchettes, qui est une ASBL qui est toute jeune, qui est composée de restaurants sociaux, de la Fédération des services sociaux et d'une fondation privée. Et elle défend l'accessibilité à une alimentation de qualité. Et pour ce faire, on a créé un premier projet, ça sera j'espère pas le seul, de l'ASBL qui s'appelle un food truck solidaire. Et le food truck solidaire, ça a comme objectif de sillonner la région de Bruxelles-Capitale, où on cible des endroits, des quartiers, des communes où il y a une précarité, et on propose des repas tout préparés à prix libre. Et ces repas, ils sont préparés par les restaurants sociaux. Alors par qualité, nous, c'est plutôt des repas à forte base végétarienne. Alors je dis à forte base parce qu'avant, on faisait que du végétarien. Pour convenir à à tout type de communauté ou à tout type de régime alimentaire. Mais on a quand même constaté qu'il y avait une forte demande de plats carnés, comme on dit, donc de viande. Donc maintenant, depuis 2024, on essaye d'avoir un double menu, donc un végé et un avec viande, quoi. Voilà. Pourquoi vous existez depuis combien de temps, du coup? Alors, on existe depuis décembre 2021. Donc voilà, on est tout jeune. C'était en plein Covid, ça? Oui, on en sortait un peu, quoi. Oui. Et alors, ça a été créé parce que toutes les structures d'aide alimentaire étaient surchargées et qu'on voulait aussi proposer un service complémentaire un peu différent. Alors, différent dans le sens où on voulait qu'on soit inconditionnel, donc pas conditionné, on ne doit pas passer par tout un Remplir des voilà, papiers. le formulaire administratif, t'as droit, t'as pas droit, non, ça c'est une chose. On voulait aussi axer la mobilité, donc aller vraiment auprès des gens et pas que eux fassent la démarche de venir. Et servir des plats tout préparés, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des épiceries sociales. Il y a des restaurants sociaux, il y a des colis alimentaires, mais il n'y avait pas encore ce type de service, des menus tout préparés, qu'on donne, enfin qu'on distribue à prix libre. Et alors l'objectif aussi, c'était de faire, c'est toujours de faire un focus sur les familles monoparentales et les jeunes étudiants précaires qui étaient et sont encore le plus touchés par les crises successives, quoi, et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais en même temps, on est ouvert vraiment à tout le monde. Précaire, pas précaire, et c'est ça aussi, ça nous tient fort à cœur, c'est que tout le monde soit les bienvenus. On vise l'inclusion, on vise la mixité sociale pour essayer aussi de décloisonner les publics, essayer de tendre vers une déstigmatisation et aussi faire valoir le principe de la solidarité citoyenne. Parce que food truck solidaire, prix libre, comme je vous l'ai dit, et du coup, ceux qui peuvent et veulent mettre plus participent à ce que d'autres mettent moins, quoi. Voilà. Et t'es qui, toi, qui nous parles? D'où tu nous parles, toi, alors? Alors, moi, je suis la coordinatrice générale de l'ASBL, quoi. Mais c'est quoi, t'as... Comment ça se fait que tu te retrouves là, toi? Je me retrouve là parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans une agence de communication événementielle. J'avais envie d'un peu changer de cap, surtout avec il y a eu le Covid, ça m'a permis de chercher ailleurs et j'ai trouvé cette offre d'emploi où ils demandaient de mettre sur pied ce projet de food truck solidaire, de créer l'ASBL, de l'aménager, de tout développer, quoi. Ouais, donc quelque part, si j'entends bien ce que tu dis, tu démarres en fait. T'as même pas une expérience du travail social en première ligne avec les gens. Donc tu regardes un petit peu ça de loin, quoi. T'as pas. Parce que moi, en fait, j'avais envie de te rencontrer, en tout cas le food truck solidaire, pour donner aussi un. Comment dire. Des comment j'expliquerais ça? Oui, c'est ça, avec un bagage fort d'expérience d'aide alimentaire des gens dans la difficulté, d'un peu nous parler de ça aussi, tiens, puisqu'on est en 2024, que les politiques, ça craint, craint, craint. Tu pourras même pas me dire si tu as vu depuis 2021, si ça a augmenté, tout ça, ouais. Quoi. Tu sais même pas le dire, en fait. C'est ça qui est bien. Non, c'est vrai que j'ai pas du tout d'expérience dans le social, mis à part ici, les deux ans. Donc non, je suis pas vraiment une référence en la matière, mais tout ce que je peux dire, c'est que ben, je vois et je discute avec les restaurants sociaux qui, eux, voilà, sont déjà là et ancrés. De quel resto sociaux, par exemple, pour mettre des noms et pour qu'on comprenne. Ici, donc nous, on travaille principalement, il y a les uns et les autres. C'est un restaurant social à Molenbeek. Okay. Il y a le centre de jour de Lillo, au Parvis de Saint-Gilles. Okay. Il y a Resto Jette, à Jette. Il y a le Resto du Cœur de Saint-Gilles, à Saint-Gilles. Il y a la Porte Verte et la Comité de la Samaritaine. Et eux, ils disent qu'ils voient vraiment, depuis le Covid et les crises successives qu'il y a eu après le Covid, qu'il y a, voilà, les chiffres explosent et il y a vraiment une grosse demande. Ils ont du mal à répondre, voilà, à cette précarité. C'est ce que j'ai entendu, aussi, du coup. Ah oui, il y en a de plus en plus. Quand on dit il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Comment ça se passe, en fait? Oui, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ils ont du mal à payer les factures, et la variable d'ajustement, comme on dit, c'est l'alimentation. Donc ils vont se priver de manger pour pouvoir payer leur loyer, leur électricité, voilà. Donc c'est... Oui, donc ça impacte très fort sur leur alimentation. Et c'est la première chose qui zappe, on va dire. Ouais. D'abord, ce qui est obligatoire, en fait, et on ne peut pas y échapper. Et la nourriture, on peut essayer de manger moins, mais on ne peut pas encore manger du tout. Ouais. Oui, c'est ça. On n'a pas encore inventé le fait de ne plus devoir se nourrir, quoi. Non. J'imagine que celui qui l'inventera, il deviendra riche. Oui, il y a des chances, oui. Mais donc, du coup, j'ai pas entendu qui mettait ça en place à l'origine, le food truck, parce que j'ai entendu que tu parlais de privé. Il y a une fondation privée qui nous a permis de lancer plutôt le projet, qui s'appelle la fondation Four Wings, et eux, ils font partie de l'ASBL, quoi. Voilà. Et donc, ce projet avait été pensé avant, avec tous les restaurants sociaux que je viens de vous citer, et la Fédération des services sociaux, et c'est eux qui ont décidé, de lancer ce projet, quoi. Oui. Et du coup, ça fait 3 ans que ça tourne. Qu'est-ce que tu as à nous dire, alors Ça fait 3 ans que tu tournes toi aussi, du coup. Ça fait 3 ans que tu es là-dedans. Oui, tout à fait. Ce que j'ai à dire... le projet plaît. Les gens sont contents, ils mangent bien. Et ce qui est super chouette, c'est qu'ici, au Petit Rien... on arrive vraiment à avoir cette mixité, ce décloisonnement des publics qui est assez frappant, parce que donc on est dans la cour des Petits Riens, et alors eux dressent des tables, enfin ici on est en hiver donc c'est moins vrai, mais ils mettent des petites nappes et tout le monde vient manger les uns à côté des autres. Donc il y a des étudiants qui viennent de l'Ergue qui viennent manger, il y a des clients des Petits Riens, il y a le public des Petits Riens, il y a les travailleurs des Petits Riens, et voilà, et tous ces gens mangent ensemble, parlent et discutent, et il y a une espèce d'émulation, il y a un lien qui se crée. Et c'est super chouette de voir ça, quoi. Oui, mais on est aussi dans une société où il y a tellement plus de liens que le simple fait d'organiser quelque chose fait que les gens demandent pas mieux pour se causer, quoi, non ? Oui. Et puis il y en a qui m'ont déjà dit « Ah, je suis contente parce que j'ai rencontré un tel, il m'a fait part de son parcours, je n'imaginais pas qu'on pouvait dégringoler si vite, parce que c'est vrai, quand on tombe de la pauvreté, c'est effet boule de neige, et quand on y tombe, pour en ressortir, c'est extrêmement difficile, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour anticiper, pour ne pas faire en sorte que les gens tombent dans cette pauvreté, quoi. C'est important ce que tu dis, hein. Ouais, de continuer à rester des humains avec d'autres humains, quoi, c'est ça, hein. Exactement, ouais. Sinon, on s'isole, et puis on tombe dans le trou, et c'est beaucoup plus difficile de se relever du trou, quoi. Exactement, c'est très très, très compliqué d'en sortir, quoi. Par exemple, les gens qui tombent à la rue, ils ont plus d'adresse, donc qui dit plus d'adresse, enfin, voilà, c'est plus de papier, plus droit à rien, plus droit à d'aide, enfin, c'est... Ouais. Mais tiens, toi, Marie, parce que c'est vrai que, du coup, je suis intriguée par ça. Tu as été dans l'événementiel pendant 15 ans, tu dis ? Presque 15 ans, oui. 13 ans, je crois. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe du social à l'événementiel ? Tu veux pas dire dans quoi précisément là? Dans l'événementiel? Dans l'événementiel, dans une agence de communication événementielle. Oui, qu'est-ce qu'il fait? J'adorais ce boulot, très polyvalent, mais c'est aussi énormément de travail et beaucoup de stress. J'ai une petite fille, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai envie de passer du temps avec elle et du temps qualitatif. Et c'est vrai que quand c'est des événements, c'est souvent des one-shot, comme on dit. Et il y a un peu la question du sens qui se pose. Je me dis, tout ça pour ça, même si j'adorais ce que je faisais. Je me suis dit, je vais un peu me poser, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre, effectivement, dans le social, parce qu'on parle toujours de la question du sens, mais c'est vrai que ça fait sens, quoi, de pouvoir aider les autres, aimer de ses compétences. T'as l'impression d'aider les autres en faisant ce travail? J'espère, hein. C'est pour ça qu'on a créé le food truck, justement, pour permettre à des gens de manger à hauteur de leurs moyens, quoi. Oui, parce que j'ai lu aussi. Tu dis j'espère en aider de plus en plus. Oui, parce que j'ai lu aussi que c'était gratuit pour ceux qui n'ont pas d'argent. Alors, vous essayez de demander quand même un petit quelque chose, mais ça peut être gratuit. Alors, on ne veut pas faire la distribution gratuite pour plusieurs raisons, parce que il y a une connotation gratuit pas bon. Il est aussi gratuit, on a l'impression que c'est la poubelle. C'est une connotation assez négative. Et c'est aussi pour sortir du rapport de force entre donneur-receveur, quoi. Et aussi permettre aux gens d'avoir une certaine fierté en disant, je n'ai peut-être pas payé 10 balles mon plat, mais je donne ce que je peux. Et ça les valorise aussi, ils n'ont pas l'impression d'être dépendants de quelque chose. Donc c'est pour ça. Nous, on a une petite boîte, on regarde pas ce qu'ils mettent, mais on demande juste qu'il y ait une participation. Si c'est 2 cents, si c'est 5 cents, on s'en fout. C'est juste pour le principe. Voilà. Mais du coup, un food truck, c'est une camionnette, quoi. C'est pas non plus. Je suppose que vous faites à manger pour combien de gens dans un food truck? On veut pas non plus faire. C'est différent qu'un resto social, quoi. T'es d'accord, hein? On sait accueillir moins de gens, quoi. Oui, on est limité dans notre capacité, ça clairement. Maintenant, ce qu'on a déjà fait, on a déjà été jusqu'à 350. Je crois qu'on pourrait même aller jusqu'à 500, mais tout dépend aussi du type de plat et de menu qu'on propose. Donc 500, on pourrait le faire. Maintenant, si on fait plus, c'est une question de gestion d'organisation. Soit on va chercher, soit on prend une camionnette frigo, soit... Et c'est quoi comme repas, du coup, alors? Tu disais au début... plutôt végétarien, et puis ça a changé, mais ça donne quoi comme repas? C'est divers et varié, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les restaurants sociaux, eux, ils cuisinent à base d'invendus, qui récupèrent aussi, donc eux, ils doivent créer les repas en fonction de ce qu'ils ont. Donc, ce qu'on retrouve, il y a du couscous, couscous végé ou couscous halal avec viande, il y a différents types de pâtes, avec différentes sauces, par exemple pesto, arrabbiata, ou bolognaise, ou fromage, mais tout ça, les sauces, elles sont faites maison, hein, tout est quasiment fait maison. Des lasagnes, on a des pizzas faites maison, on a des wraps, enfin tout ça aussi accompagné avec des salades, et souvent en hiver, il y a de la soupe, avec tout ça, quoi. Tu parles d'invendu, en fait. Mmh. Donc, si j'ai bien compris, le food truck, lui, il a déjà les repas plus ou moins préparés. Il faut peut-être juste réchauffer, c'est ça? Mais à la base, c'est les restaurants sociaux qui cuisinent, quoi. Et eux cuisinent à partir d'invendus. Mmh. Et c'est intéressant. C'est quoi, alors, les invendus? Les invendus d'où, quoi? C'est tous les restos? Comment ça se passe? Les invendus, oui, ça peut être des invendus de supermarché ou par exemple du marché matinal. Il y a toutes des plateformes qui sont mises en place. J'avoue que je connais pas très très bien maintenant tout ce système, parce que c'est pas moi qui m'en charge, mais il paraît qu'il y a un gaspillage de malades, hein. Oui, mais ça c'est pas nouveau, et on le sait, effectivement, il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup d'invendus, que ce soit des boulangeries, des grandes surfaces, des supermarchés, ou... Mais ça fait trop du bien d'entendre quelqu'un qui s'y connaît super bien, qui peut te dire, c'est incroyable ce qu'il y a dans les poubelles, ça qu'on jette, qui est encore bon, mais juste la date n'est pas bonne, ou la bien... La date, ou le calibrage, ou la forme des légumes qui sont pas conformes, ou... il y a énormément de gaspillage. Maintenant, chez sais pas donner de chiffres. Je suis pas la meilleure placée pour vous donner des chiffres. Mais non, c'est pas forcément des chiffres, hein, mais l'expérience, tu vois, de quelqu'un qui s'y connaît super bien. Mais voilà. Moi aussi, j'ai entendu ça, qu'il y avait un gaspillage de dingue. Mais voilà, on n'en sait pas plus. J'ai envie de dire, c'est grâce à ce gaspillage, à ces invendus, que l'aide alimentaire peut aussi fonctionner en partie, quoi. Voilà, parce qu'on récupère et que c'est gratuit et que. Et voilà, c'est la base, quoi. Mais c'est grâce à, disons que ce serait dommage de ne rien en faire, mais je veux dire, à la base, ça devrait pas. Parce que quand tu dis, voilà, c'est de l'alimentation de qualité. Ça me fait rigoler aussi. ça veut dire quoi, de qualité? C'est de la bouffe industrielle? Non, mais ça veut dire, oui. Alors, ça veut dire qualité, quoi? On disait que c'est plus axé sur des légumes, quoi. Des plats faits à base de légumes, on va pas servir des frites et des gros hamburgers, voilà, c'est plus là. Alors effectivement, maintenant, il y a qualité et qualité, il y a qualité version industrielle et qualité version bio et locale. Alors on essaye effectivement, on a aussi des invendus qui viennent Attends, là, je comprends pas, parce que tu vas vite, tu dis qualité bio. Industriel. Non, enfin, je veux dire, il y a la qualité, oui, non. Parce que moi, j'avais lu un bouquin. La qualité, en termes, oui, qualité, c'est plus légumes. Mais alors, effectivement, après, il y a légumes qui proviennent de l'industrie ou qui est bio. Local, t'as dit. Et local, oui. Alors, on essaye. Alors, nous, effectivement, le truc rêvé, c'est déjà de ne pas fonctionner à base d'un vendu, c'est qu'il n'y en ait pas et qu'on puisse se fournir chez des petits producteurs bio et locaux. Mais malheureusement, tout ça a un coût que l'aide alimentaire ne sait pas prendre en charge, quoi. Mais c'est sûr que nous, on préférerait tendre vers ça et ce modèle. Mais voilà, dans les faits, malheureusement, c'est pas ça. Et il y a effectivement ce surplus qu'on préfère de toute façon utiliser plutôt que de jeter, quoi. Donc il y a l'aide alimentaire qui vit en partie grâce à ça. Et puis après, il y a d'autres structures dans lesquelles on rentre en conflit, comme Happy Hour Market, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais... Comment t'as dit ? Happy Hour Market. Donc eux, ils récupèrent aussi, donc c'est, je crois que c'est une SPRL ou bon, soit. Ils récupèrent aussi des invendus au supermarché. Enfin, ils les achètent. C'est qui eux qui présentent un peu, parce que tu cites leur nom, mais ils font quoi eux ? Mais c'est ça que j'allais expliquer. Donc eux, ils achètent des invendus au supermarché, qui revendent à tout le monde, à des particuliers, à un prix plus bas que voilà. Et du coup, eux, ils sont en train de prendre un peu les invendus. Un marché, quoi. Voilà, ça ils font un peu un marché, et là, ça commence à devenir problématique parce que voilà, ce que j'ai entendu, effectivement, ils concurrencent avec vous. Ouais. Ça commence vraiment à faire concurrence. Effectivement, il y a certains supermarchés qui ne fournissent plus parce qu'ils ont vendu à Happy Hour Market. Quoi. Tout le monde qui se bagarre sur les... C'est dingue, le monde dans lequel on est. On veut tout récupérer, tout en faire un marché aussi. On est dans une société capitaliste de marché. On n'est pas obligé de fonctionner là-dedans. Hein. On n'est pas obligé de fonctionner là-dedans, mais après, je crois que tout le monde doit bouffer, comme on dit, doit travailler, doit trouver des fonds. Je suis d'accord avec ça. Je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, si on n'arrive pas à discuter autour de la table et à mettre des autres perspectives que simplement... celles qui sont dominantes dans le monde, là, on ne changera jamais les... Enfin, toi, alors, on est fataliste, et à quoi bon ? Mais quoi, ton food truck, là, il est pas pris... Enfin, je veux dire, il ne fait pas un business. Non, il ne fait pas un business. Il n'est pas payé sur les assiettes que vous vendez dans du food truck. Non, tout à fait. Non, on est soutenu par une fondation et par la COCOF, voilà, pour l'instant. Mais non, on ne fait pas de profit. De toute façon, si on fait des profits, c'est réinjecté directement dans l'ASBL pour pouvoir payer des plats ou voilà, aux personnes, quoi. Oui, là, c'est pour le moment la politique. C'est ça, vous avez un subside, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. On a un subside et la fondation. Mais là, la fondation, son soutien se termine ici en août. Donc, pour 2024, on est plus ou moins bon, comme on dit, dans le budget. Maintenant, il faudra voir pour 2025. Parce qu'effectivement, tout ça, tout coûte, hein, malheureusement. Il y a des salaires, il y a tous les frais de fonctionnement, il y a les assurances, il y a les contenants, il y a l'achat des repas, parce que nous, on achète les repas aux restaurants sociaux aussi. Ah oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ils vous vendent... Ouais. Ah oui. Ils nous vendent aussi à un petit prix, donc alors on achète chez eux, et, mais... Ah, donc, je comprends, même dans, en fait, ce que je comprends, oui, c'est que même dans ce minimum, quoi, des invendus sur le côté, il y a tout le monde qui essaye d'en faire. Ouais, ça te donne du travail, toi. C'est rigolo, ça aussi. C'est vrai. C'est un nouveau projet qui naît. On engage quelqu'un. Ouais, c'est rigolo, hein, le business du social, quoi. Ouais. Oui. Oui. C'est un autre, j'imagine qu'il est moins féroce. Je connais pas. Il est moins féroce que dans d'autres métiers, peut-être. Oui, ben moi du peu d'expérience que j'ai dans le social, bon, ça, on peut pas dire que c'est du business non plus. Mais ce qui est chouette, c'est que il y a pas vraiment de concurrents en fait dans le social. C'est qu'on collabore tous, et c'est ça qui est chouette, même dans les différents secteurs, que ce soit alimentaire ou énergie ou santé ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est chouette, au fait, c'est que il y a vraiment un esprit de collaboration. On essaye de mutualiser, de travailler ensemble, et voilà. Et c'est ça qui est chouette, oui, clairement. Mais après, oui, le social, c'est, on le sait, le social, c'est... Tu débarques, toi, dedans, hein. Je débarque, et c'est, mais on est souvent tributaire au fait de décrocher des subsides, quoi. Et donc des politiques là-haut. Et les subsides, ben voilà, c'est d'année en année, on n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir. Et c'est aussi un job en soi, hein, d'aller chercher ça, d'écrire tous les rapports, les justificatifs, ça prend aussi du temps. Et ce qui est compliqué, c'est que si on veut développer des choses sur de long terme, ben c'est difficile, parce qu'on ne sait pas financièrement ce qu'on pourrait se permettre, et si on va réussir à remporter un appel à projet, ou ben voilà, c'est aussi C'est un peu instable, c'est ça que tu veux dire, quoi. C'est instable, et aussi c'est aussi précaire, parce que c'est souvent des emplois précaires, parce que vu que on n'a pas de garantie financière quelque part, on propose des emplois précaires, donc c'est-à-dire pas des CDI mais plutôt des CDD, et ou pas des temps pleins mais des temps, comment on dit ça, des temps des mi-temps, des quart-temps, des 3/5 ou ce genre de choses. Donc, c'est sûr que c'est aussi compliqué, parce que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui aimeraient bien travailler dans le social, mais vu que c'est précaire et que financièrement c'est moins intéressant que dans le privé, ben, du coup, ils restent dans le privé. Donc, il faudrait que le social soit un peu plus attractif aussi financièrement pour aussi pouvoir s'entourer de réels profils professionnels, parce que, comme tu le sais peut-être ou pas, ben le social, ça repose très souvent et en grande majorité sur des bénévoles, quoi. Voilà, et des bénévoles, ben ça, il faudrait le valoriser aussi, quoi. Mais sans les bénévoles, je pense que le social, il tiendrait pas longtemps. Et quoi, tu découvres, toi, tout ça, ou bien, t'étais déjà au courant un peu de tout ça? Ben, on dit souvent, enfin moi j'avais déjà entendu, hein, le social, c'est, y a pas de thunes, on dit, dans le social, c'est précaire et tout ça. Et oui, ça ne fait que confirmer ce que moi j'ai déjà entendu, quoi. T'es dedans maintenant? Oui, je suis dedans maintenant. Mais après, ce qui est génial, c'est que on remarque qu'il y a une créativité de dingue, parce qu'avec pas ou peu de moyens, les gens font énormément de choses, ils se mobilisent. Et c'est hyper riche, et il y a énormément d'initiatives, peut-être même trop, en fait. Des fois, enfin, au début, j'étais perdue, le nombre d'assos qu'il y avait, enfin, qu'il y a toujours, dans différents secteurs. Et c'est sûr que des fois, on se dit, ben, des fois, il y a trop, est-ce qu'il faudrait pas un peu mutualiser des choses, parce que sinon, on s'y perd. Mais non, c'est super riche aussi, le social, même si... ouais. Ah bah oui, le social, c'est riche, comme tu dis. Oui. On aimerait bien, mais tu sais que c'est en voie de, avec les politiques menées là, à mon avis ça craint, hein, pour le futur encore, non? T'as pas trop envie d'en parler? Non. Parce que ça, c'est le véritable, je veux dire, on a envie de se dire, mais comment comment changer la donne, quoi, comment faire en sorte que tout soit ça plus rééquilibré par rapport, je pense, au capital, parce qu'on parlait de cette société. Je sais pas, et j'avoue que j'ai pas la réponse. La seule réponse qu'on pourrait donner, c'est changer le système. En fait, il y a que ça, mais comment changer le système? Et le système, de toute façon, si on veut le changer, ça sera petit à petit. Mais c'est une vaste question. Et je vais pas rentrer dans le débat, mais ça t'intéresse pas trop, quoi. T'as un peu peur. Tu veux pas trop en parler. C'est complexe, donc t'as pas. C'est hyper complexe, je trouve. Et il y a énormément de choses à dire. Je crois que je vais pas aborder ce sujet là maintenant, quoi. Eh bien, oui, le ralliement des fourchettes aussi. C'est marrant, le ralliement, quoi. C'est toi qui l'as trouvé, ça? Non, c'était eux qui l'avaient déjà trouvé, quoi. Ralliement, on rallie les gens, les assos, autour d'une bonne fourchette. Bon, ben, je ne vois plus très bien. Toi, t'as quelque chose à dire comme ça, spontanément, sur tout ça? Ben, il faut venir, venez nous voir, venez manger, venez déguster, partager avec les gens. Et aussi, il faut savoir, faut savoir que donc le food truck, il sort maintenant 3 voire 4 fois par semaine. À côté de ça, on essaye aussi de faire des petits événements pour faire effectivement essayer de rentrer de l'argent. Donc on y est. Voilà. Si vous avez un événement de minimum 50 personnes où vous voulez qu'on soit présent, c'est avec grand plaisir. C'est comme ça que vous essayez un peu de. Oui, mais il faut savoir que du coup, faut voir le type d'événement, mais si c'est de l'événementiel, on augmente aussi les tarifs des repas, parce que l'objectif, c'est quand même de faire rentrer un peu d'argent, donc on peut pas se permettre de faire du prix libre avec une référence de 3 € le repas, donc voilà. Oui, mais du coup, ça, le fait que tu dises ça, tu vois, ça change quand même je le dis devant parce que tu vois, après, je fais stop et après, je suis là. C'est compliqué, tu sais, les micros ouverts, parce que des fois, je parle improviste avec quelqu'un, on discute, je sais pas qui tu es, je sais pas trop vers quoi je vais. Et là, en fait, je me rends compte, ton projet, le projet de départ qui est d'aider des gens qui savent pas boucler leur mois, quoi. C'est un vrai problème, c'est pas comme ça. Pour moi, le fait que tu dises ça à la fin, oui, et si jamais, ça fait un peu comme si, du coup, tu fais de la pub pour le food truck et de dire, voilà, si jamais vous nous entendez, vous qui faites de l'événementiel, vous qui êtes artiste, qui faites de la musique, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait d'autre s'imaginer, venez, parce que on se déplace aussi pour faire de la bouffe pour ça, quoi. Ouais, mais du coup, ça, c'est plus la même dynamique, tu vois. C'est plus le même objectif pour moi, tu vois. On rentre dans autre chose. Oui, mais c'est là où on doit aussi maintenir le cap et effectivement maintenir notre objectif de départ, qui est d'abord d'aller dans les quartiers et tout ça et de faire nos sorties qu'on dit classiques chez nous en interne. Mais nous, on se rend disponible en dehors de ces sorties qui sont prévues. Donc, je vais pas aller à un événement où on me demande d'aller à un événement alors qu'il y a une sortie prévue dans un quartier. On va d'abord laisser la priorité à notre objet social et à ce qu'on fait. Maintenant, les événements, on essaye d'en faire un plus parce que, Parce que le social cherche de l'argent. Oui, c'est le nerf de la guerre, L'argent, c'est le nerf de la guerre et il faut en trouver, on essaye d'avoir quelques revenus propres aussi et d'avoir une mixité dans les financements, pas qu'ils soient que publics ou que privés ou que propres, parce que ça aussi, on veut pas qu'on soit autonome financièrement, parce qu'on se dit que la précarité alimentaire, c'est aussi un problème de société et qu'on a envie, et qu'on se dit que les pouvoirs publics doivent intervenir là-dedans financièrement. À défaut de proposer un système qui fonctionne, Du coup, je comprends. Ouais, je comprends. On est en plein glissement là, en discutant toi et moi et en se rencontrant entre le social qui cherche de l'argent. Ce serait semi-privé quoi, du coup aussi, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Mais enfin, tout le monde essaye un peu de trouver. les dons que certaines assos demandent aussi, ben voilà. Et puis, faut savoir que tout ce qui est dons ou financement privé, ben c'est plus facile à gérer pour les assos parce qu'il y a moins de comptes à rendre et de justif et tout ça. Et de toute façon, comme on dit, de pas avoir tous les œufs dans le même panier, c'est il vaut mieux quoi. Voilà, diversifier les sources de financement. Go. Donc on continue ce micro ouvert. Alors je parle peut-être un peu handicapé là parce que j'ai voilà, on va chez le dentiste et on je sais pas si ça s'entend. Vous l'entendez vous? Moi j'entends la diction est parfaite. Et donc on a affaire ici à monsieur Philippe Debuc. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et donc c'est la suite du ralliement des fourchettes, ça va compléter quoi. On m'avait conseillé alors de rencontrer Philippe pour les invendus. Et on se trouve à l'îlot derrière l'église Parvis de Saint-Gilles. C'est ça. Le ralliement des fourchettes, c'est une ASBL qui regroupe plein de restaurants sociaux. Et l'îlot fait partie de ce projet depuis le début et je suis le président de l'ASBL Ralliement des fourchettes. Ah, ouais, président, c'est important un président. Ben, il fallait bien quelqu'un en douce rôle et on m'a montré du doigt. Et donc, on va focaliser un peu sur le ralliement des fourchettes. Hein. Donc, ça fonctionne grâce aux invendus. Ça fonctionne grâce aux invendus, ça fonctionne grâce à des donateurs qui ont pu nous permettre de lancer le projet. Comme ça, on ne transforme pas tout, mais les invendus, c'est pur, enfin, ça, c'est un créneau. Les donateurs, là, tu parles plus alors en termes d'argent. Ouais. Tu parles d'une fondation, la région, parce que la fondation, comment on dit ? Four Wings. Four Wings, ok. Parce que c'est noté 4 en même temps et pas fort, c'est ça qui est marrant. 4, 4 fort. Ouais, ouais. La région de Bruxelles-Capitale, la commission communautaire commune, comme ça qu'on dit. Voilà, la COCOF. Donc ça, c'est vraiment de l'argent, du billet, quoi. Hein. Sonnante et trébuchante. Et là, moi, je te parle des invendus. Ça, c'est autre chose. Même s'il y a... En effet, de plus en plus, un business aussi avec ça. L'idée, c'était de parler des invendus. Mais c'est pour ça que j'explique qui est le ralliement, parce qu'il y a plusieurs restaurants qui sont dans ce projet de ralliement des fourchettes et qui alimentent en nourriture le food truck qui circule et qui amène de l'aide alimentaire de manière nomade dans la région bruxelloise. Ici à l'îlot, nous, on a la chance d'avoir des invendus, ce qui n'est pas le cas de tous les restaurants sociaux, parce qu'on travaille ici pour notre public de sans-abri à 99% sur base de produits issus de la récolte alimentaire, des produits invendus. Voilà. Mais j'aimerais, pour qu'on ne s'égare pas dans toutes les directions, pourquoi pour le food truck, il y a des invendus, c'est ça que tu as dit, et pour d'autres restaurants, il n'y a pas d'invendus? La plupart des restaurants sociaux n'ont pas accès à des invendus alimentaires et achètent les aliments. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent et qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le projet. Nous, à l'îlot, on a la chance et on travaille derrière pour avoir des invendus toute l'année. On fait 100 000 repas dans toutes les associations, dans tous les centres îlots par an qui sont faits à base d'invendus alimentaires. Donc les invendus, c'est aussi... Vous achetez ça, les invendus? On vous les donne pas? On nous les donne. Ah ouais? Je pensais que ça se vendait maintenant. Parce que, écoute, j'avais une idée comme ça, en étant sûre de rien, mais j'avais entendu parler, tu sais, comme des bruits de couloir, donc on n'est pas sûr, parce que j'ai pas jamais fait une enquête là-dessus. Mais je pensais que les invendus, tout ce que les magasins voulaient pas, ils pouvaient pas vendre. Et donc, ils devaient mettre du javel sur les pains, sur les choses à manger, pour pas que les gens se servent. Dans le monde entier, les invendus ne peuvent pas être vendus ni donnés au personnel pour des raisons syndicales, etc. On peut comprendre. Et donc, on met du javel dessus. C'est ce qui se passait avant. Maintenant, en Belgique et dans plein de pays européens, on ne peut plus jeter les invendus. Et il y a de plus en plus de lois qui contraignent les grandes surfaces à les donner. Au départ... Ou les vendre? Je commence par les donner, parce qu'au départ, ils étaient contraints de les donner à les associations de proximité, ce qui était, sur papier, assez sympa. Maintenant, ils vont être obligés de les donner à des associations toute l'année. Ils seront, sinon, ils vont devoir, sinon, ces invendus doivent se transformer en déchets. Et en se transformant en déchets, les grandes surfaces vont devoir payer énormément d'argent. Donc, comme ils ne vont pas vouloir payer cet argent-là, ils vont pouvoir trouver, ils vont préférer trouver des systèmes où ils peuvent les donner à des assos comme nous ou les vendre, effectivement. C'est ce qui apparaît sur le marché parce qu'il y a des brèches dans la loi, des brèches dans le système qui fait que plusieurs sociétés, des jeunes start-up en Belgique et dans d'autres pays d'Europe, font sur cette brèche, récupèrent des invendus, quitte même à les acheter, alors qu'ils sont impropres à la consommation, pour nous, monsieur et madame, tout le monde, ça devient des invendus, ils sont encore vendus après qu'ils soient considérés par le grand magasin plus vendables. Ils sont encore bons au niveau de la date limite de consommation, ce n'est pas des produits périmés. Parce qu'on a envie de savoir c'est quoi exactement un invendu. Un produit périmé ne peut pas du tout être vendu, il doit être jeté. Et s'il est jeté, ça coûte très cher aux grandes surfaces. Donc ils préfèrent les donner ou les vendre un peu avant pour s'exonérer de ça. Parce que s'ils doivent les jeter, ils vont payer beaucoup, beaucoup de taxes par rapport aux soucis environnementaux qui sont connexes. Et que la région bruxelloise va leur imposer. Donc maintenant, ce qui nous chagrine dans l'univers social, les CPAS bruxellois, etc., on est paniqué à l'idée de voir apparaître de plus en plus de start-up qui monétisent des invendus. Donc ils vont dans les grandes surfaces prendre des invendus qui payent un petit peu pour que les grandes surfaces récupèrent un peu de sous. Et puis ils les vendent encore. Donc c'est des produits qui ont une deuxième vie, donc on fait du commerce après. Et ces sociétés, c'est des sociétés commerciales. C'est pas des ASBL, des associations sans but lucratif. Des sociétés commerciales, ça a la volonté de grandir et de grossir. Donc ces sociétés prennent de plus en plus de parts de marché et ils mettent les CPS dehors, ils mettent des associations comme nous dehors de plein de grandes surfaces en disant « on est meilleur, on a un beau logo, on vient tous les jours à l'heure, on est sympa, on est jeune et avec nous, vous n'aurez jamais de problème ». De fait, on n'a pas de problème avec une société commerciale qui n'a comme moteur que de grandir et de faire du pognon. Et nous, dans le social, on est coincés parce qu'on aura de moins en moins. D'invendu. Parce que le moteur, c'est pas, nous, le moteur, ce n'est pas d'en prendre de plus en plus. Et le moteur, en plus, nous, avec nos visions, la vision que j'ai moi personnellement, au ralliement des fourchettes à Lillo dans le monde associatif et les gens qui tournent autour de nos activités, on est convaincus que si on cautionne le fait que ces invendus puissent, s'ils ne servent pas aux pauvres, à nourrir les pauvres, ils peuvent encore être invendus, on déculpabilise complètement le système des grandes surfaces en disant « vous pouvez continuer à surcommander et demander au monde agricole de surproduire, ce n'est pas un problème, parce qu'on après il y a encore un business, donc on ne perd jamais de pognon. » Donc ça veut dire que les 30% de produits qu'on jette à la poubelle, qui sont perdus, qui ne sont même pas captés par les associations ou les gens qui les remonétisent, on va déculpabiliser les grandes surfaces et on va continuer à surproduire. D'où tous ces problèmes que les agriculteurs... Enfin, c'est une des choses que les agriculteurs ne comprennent pas. On ne comprenne pas de devoir produire autant et que ça aille à la poubelle. C'est un truc qui est complètement dénué de bon sens. Mais ces invendus ne vont pas à la poubelle puisqu'ils vont au monde associatif et... Il en reste pas mal qui sont pas captés, qui sont pas attrapés, si vous voulez, par les associations ni par les start-up qui font du pognon avec. Il y a encore des invendus. Il y en a toujours trop. Il y a des volontés européennes. Une volonté européenne qui voudrait contraindre le monde agricole à produire de manière beaucoup plus flux tendue, à pas surproduire et à contraindre toute la chaîne. On n'y est pas encore, il y a toujours des invendus, donc c'est pour ça qu'il y a des start-up qui font du pognon et qui grossissent comme des bactéries, quoi, en Belgique, en France, même aux États-Unis, c'est le même phénomène. Mais c'est quoi exactement un invendu ? On parlait de date périmée, mais c'est quoi aussi, c'est quoi d'être vendu en fait ? C'est pas un produit qui a une date périmée. C'est un produit qui est proche de la date de péremption. Ah, c'est pas encore, la date n'est pas encore passée. Un produit qui est périmé, on peut ni le vendre ni le donner. Nous, en tant qu'association, on peut pas donner un produit périmé. Et quand il est écrit DLC, date limite de consommation, cette date-là, on ne va jamais au-delà. Même si vous et moi, on sait qu'un yaourt, il est encore bon 10 jours après. Nous, par rapport à l'Agence fédérale de sécurité alimentaire, ne nous permet pas de garder un yaourt et le donner à un sans-abri 2 jours après sa date de péremption. On risque des amendes. D'ailleurs, on en a déjà eu même, en passant. Merci, Davska. c'est complètement hallucinant. DLC, ça, c'est des dates limites de consommation. On ne peut pas aller au-delà. Il y a des dates conseillées, donc on peut aller au-delà. On donne une date comme ça, mais on peut encore le vendre après. On ne peut pas le vendre après, mais on peut encore le consommer après. Et on, les produits. On parle de quoi, là ? Quel produit, pour qu'on comprenne ? Bon, des céréales, par exemple. Des cornflakes, des machins comme ça. C'est des céréales, ça ? C'est encore des céréales ? Non, ouais. C'est un autre débat. Ouais. C'est un autre débat. C'est ce qu'on appelle communément des céréales. Mais même du muesli. Bon, ce qu'on comprend, c'est que tout est réglementé, évidemment, pile poil, évidemment. Surtout, enfin, c'est ça aussi, c'est l'alimentation, c'est un truc de fou, quoi, aujourd'hui. Hein. Ben, ça fait quand même des millénaires que c'est un truc de fou. Non, mais particulièrement depuis que c'est devenu. Regarde, on est à la période des agriculteurs qui sont dans la rue, tous là, avec leurs tracteurs. Ça va pas bien, quoi. Mais on est dans un monde à 2-3 vitesses, hein. Maintenant, on est en train de mettre sur la gueule des écolos le fait que l'agriculture va pas bien. Effectivement, les écolos, ils veulent qu'on cultive mieux et qu'on élève mieux la viande, qu'on en élève moins, pour des raisons environnementales et aussi économiques à terme. Et le monde ultra-libéral voudrait que les petites fermes diminuent et qu'il n'y ait plus que des grandes fermes. C'est deux mondes qui s'opposent. Les agriculteurs, ils sont entre les deux. Là, ils ne savent pas quoi choisir, le conventionnel ou le bio. Ils sont entre les deux. Ils se détestent les uns les autres, ils se regardent en chien de faillant, et voilà, c'est la chute d'un système, quoi. Philippe, pourquoi tu me parles d'écolo, là ? Qu'est-ce que, je veux dire, quoi, tu trouves ça bien ? Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu parles d'écolo, là ? Mais parce que quand ils sont bien, eux, c'est ça ? Parce que je dis que quand on déculpabilise les grandes surfaces d'acheter trop et d'avoir des invendus parce que les grandes surfaces savent qu'ils peuvent les revendre ou les donner, que tout ça roule, qu'ils peuvent suracheter, eh bien, c'est mauvais pour la planète parce que ça les oblige à continuer à demander au monde agricole de surproduire. Et c'est ça qui est débile. Et c'est ça, quelque part, c'est une valeur écologique. C'est une valeur écologique qui s'oppose à une valeur libérale. La valeur libérale qui dit on va surproduire, comme ça les rayons sont jolis, il y a des carottes partout, et comme ça, parce que madame, quand elle va dans une grande surface et qu'elle voit qu'il n'y a plus que 3 carottes, elle ne va pas les acheter parce que le rayon n'est pas plein de carottes, elle va se dire ah, elles ne sont pas fraîches. Hein, tous nos réflexes de consommateurs sont complètement bousillés par le marketing, on n'a plus de bon sens. Et donc, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent. L'écologie d'un côté et le monde ultralibéral de l'autre. Ouais, c'est un peu les mêmes, hein. Sinon, ça, enfin, bref, tu vois, quand on commence à discuter dans ce rayon-là, écolo, enfin, que ce soit vert, jaune, rouge, enfin, vert, bleu, rouge, c'est les mêmes politiques, en gros, hein. On voit pas la grosse différence, hein. Je crois qu'on va finir par se disputer. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas que moi, à l'origine, ceux qui ont créé, le mouvement écolo, puis c'est devenu le parti, le disent eux-mêmes, hein. L'écolo, c'est fini, écolo. Enfin, ils sont plus du tout dans les idées de... Je mets des étiquettes sur les trucs pour qu'on comprenne en gros ce que je dis. Effectivement, l'écolo fait des conneries et que maintenant on a tellement attendu que écolo soit qu'il y ait des mesures écologiques qui soient prises depuis 30-40 ans que maintenant on va devoir prendre d'autres décisions qui sont à l'encontre des politiques qu'on aurait dû mener avant. Par exemple, moi, tout d'un coup, je suis devenu pro-nucléaire parce que si on veut faire une transition écologique, aujourd'hui, on n'a pas le choix de revenir au nucléaire maintenant. Parce qu'il y a moins de dangers pour pérenniser l'espèce humaine sur la Terre à faire ça maintenant que de faire autrement. Allez, on essaye de reprendre un peu le sujet, là. Bien que ça je veux bien continuer, hein, mais sinon, on s'y perd. On part sur le nucléaire, puis on part sur la planète Mars, et puis on part sur le transhumanisme, tu vois. Et si on parlait des invendus, mais moi, je suis d'accord, hein, mais restons un peu... On peut parler de tout, c'est ça que je veux dire. Si t'as envie de continuer, on continue, mais je préfère qu'on parle des invendus. Ben oui, je réécoute hein, là le micro ouvert et je me dis, mais vraiment, c'est du placement de produits, hein. C'est du placement de produits, Philippe, monsieur Philippe Debuc, que vous venez de me faire là, en parlant d'écologie. Moi, je comprends pas bien, mais... À ce propos, alors je vous fais écouter Frédéric Lourdon. Effectivement, moi, tout le sens de mon travail depuis quelques temps, c'est d'en finir avec les planches de salut qui sont des planches pourries, qui portent nos dernières espérances un peu misérables d'essayer de continuer un peu comme avant, mais en bougeant un truc ou deux, et le Green New Deal en fait partie. Alors, il faudrait faire une espèce de répertoire des miroirs aux alouettes, des fausses promesses, des illusions bientôt perdues, etc. Donc, il y a Il y a le Green New Deal, bien sûr, hein, il y a la transition, il y a... Alors, dans un autre genre, vous avez la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est une source de comique inépuisable. Je vous encourage vivement à aller lire sur les sites corporate, les rubriques RSE. C'est vraiment à mourir de rire. Et oui, ces choses-là, je sais pas quoi vous dire. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Donc, il y a un certain nombre de mots clés comme ça qu'il faut identifier. Alors moi, j'en ai repéré quelques-uns. Donc, dès que je vois vert, transition, durable. Et je dois le dire, au risque déjà de me mettre à dos une bonne partie de la salle, écologique, je sais que là on part tout de suite dans des très mauvaises directions. Je dois dire que j'avais un projet, heureusement pas mis en œuvre, d'un papier qui m'aurait encore valu beaucoup d'amis et qui se serait intitulé « Contre l'écocide, un écolocide ». Point d'interrogation, évidemment, parce que quand même, faut pas. Hein, bon, voilà. Mais alors, j'avais surtout en tête les écologistes français, n'est-ce pas? Et on était en pleine campagne. Donc, vous voyez, ça n'aide pas à la modération non plus. Hein, bon. Alors, voilà. Alors, non, en effet, le Green New Deal, moi, si vous voulez, c'est absolument terrible. Parce qu'il y a des promesses. Cauchemardesques, hein, qui sont en train d'accompagner le Green New Deal. Alors, il y a un journaliste du journal Le Monde qui est un type tout à fait remarquable. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que je trouve tout à fait remarquable un journaliste du Monde. Donc, je le souligne plutôt deux fois qu'une, qui s'appelle Stéphane Foucard, qui est le malheureux. Je ne sais pas comment il fait. Et, alors, il est seul dans un coin. Il écrit des chroniques extraordinaires, précisément sur tous ces miroirs aux alouettes. Mais en fait, je ne sais pas s'il est si seul que ça, parce qu'à mon avis, ses collègues doivent le lire et plutôt trouver qu'il a raison. Mais ça ne bouge pas d'un iota, si vous voulez, la ligne du journal. Hein. Quand bien même, d'ailleurs, tous, chacun par devers soi, y croirait, ensemble, ils continueraient d'aller dans la mauvaise direction. C'est tout à fait étonnant. Le Monde est un de ces organes de presse tout à fait typiques, vous voyez, qui tombe, mais alors magnifiquement sous le coup de cette citation, je ne sais jamais si c'est Boileau ou Bossuet, vous voyez, qui dit Dieu vomit ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Eh bien, Le Monde, c'est ça. Alors, pour pleurnicher que la planète part en morceaux, Le Monde, c'est de première. Ils sont très forts. Hein. Ils vous sortent la titraille du siècle pour dire les appels de scientifiques, machin, etc. Mais ils continuent, si vous voulez, toute la ligne économique et même toute la pensée du Monde est incapable d'en venir à l'idée qu'il faudrait mettre en cause le capitalisme. Et alors, Stéphane Foucard, remarquable journaliste au Monde, donc, dont je vais reparler dans un instant d'ailleurs, hein, a fait, il n'y a pas longtemps, a consacré une de ses chroniques à cette espèce d'enfer qui a pour nom la géo-ingénierie. C'est une des promesses du Green New Deal, hein. C'est avec de la technologie, on va s'en tirer. Vous voyez. Bon, alors moi là, j'ai souvent horreur de dire deux fois la même chose dans deux occasions différentes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce qu'on me convainque de faire autrement, je refusais jusqu'ici même la captation vidéo. Mais là, il y a un point où je me suis décidé à changer de ligne et j'ai fait un vœu que je vais radotant sans fin. Bon, et ce vœu prend la forme d'un syllogisme que je réénonce donc ici avec plaisir, parce que vous ne l'avez pas entendu, donc au moins, pour la énième fois. Et le syllogisme, enfin bon, dit ceci. Un, il y a un écocide en cours, mais ça tout le monde le sait. Hein. Deux, cet écocide est capitaliste. Ça tout le monde ne le sait pas encore tout à fait. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a tout un débat autour de l'anthropocène, n'est-ce pas? Si la planète va mal, c'est la faute à l'homme, avec un grand H, hein, à l'anthropos. Non, désolé, c'est pas la faute à l'homme, c'est la faute au capital, au capitalisme, au capitaliste. Bon, donc je reprends. Un, il y a un écocide. Deux, l'écocide est capitaliste. Trois, c'est le point important. Il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Or, c'est une promesse avec laquelle on va vous bahuter pendant encore quelques décennies, histoire de gagner du temps. Malheureusement, les quelques décennies, nous ne les avons pas devant nous. Le Green New Deal fait partie de ce bahutage, la géo-ingénierie également. Bon, alors, moi, je ne suis pas technicien, mais je vois des choses, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, hein, enfin, pour s'il m'en reste. À part la chronique de Stéphane Foucard, il y a un très bon livre qui a été fait par une de mes anciennes collègues économistes qui s'appelle Hélène Torgeman. Le livre doit s'appeler « La croissance verte contre la nature » ou quelque chose comme ça. Et là aussi, il y a un répertoire de la créativité géo-ingénierienne qui est alors mais tout à fait effrayant. On va balancer je ne sais pas quelle particule dans l'atmosphère pour ralentir le rayonnement solaire, faire que ça chauffe moins. On va en mettre tout autant, mais sans doute pas les mêmes, au fond des océans pour améliorer leur performance de puits de carbone, etc., etc. Ces gens sont des malades. Ce sont des malades. Et il ne faut pas douter une seule seconde qu'ils iront jusqu'au bout du bout. Par conséquent, à un moment, il faudra se décider à les arrêter. Hein. Vous voyez, mais c'est là que ça devient... que ce n'est plus une plaisanterie. Car ils le feront. Il ne faut pas en douter un seul instant. Bon, alors la géo-ingénierie, donc, il y a ce cauchemar-là. Mais l'autre chose sur le Green New Deal, si vous voulez, c'est que je vois bien à quel point tout le débat est absorbé par l'obsession du CO2 et du changement climatique. Ah, oui, c'est sûr que le problème est là, mais je vous signale que ce n'est pas le seul des problèmes qui pèsent sur la planète. Hein. Il y en a toute une palanquée d'autres dont on parle d'autant moins qu'on parle davantage du CO2 et de la montée du niveau des eaux. Il y a l'érosion des sols, le problème de la disponibilité des usages et de la disponibilité de l'eau, le problème de l'effondrement de la biodiversité, le problème des cycles de l'azote, du phosphore, etc. Bref, il y a un groupe d'experts qui a identifié, je crois, si je me trompe, je suis sûr qu'il y en a qui le savent mieux que moi et qui me rectifieront, 9 limites à ne pas franchir pour que la planète demeure habitable, n'est-ce pas ? Bon, et 6 ont déjà été allègrement dépassés ou sont en cours de l'être. Donc ça ne va pas fort, hein, tout de même, vous voyez, sur ces fronts-là également, je veux dire. Donc c'est pas on va pas tout à fait s'en tirer comme ça. Et pendant ce temps, le solutionnisme technologique ne nous propose rien d'autre que ce que j'appellerais la rotation du désastre. C'est on va aller colmater dans un coin, mais évidemment la merdouille ne va être que déplacée dans un autre. Vous comprenez, si vous faites des voitures électriques formidables, moins d'émissions de CO2, ben oui, mais alors les batteries, le lithium, la terre pas moins saccagée qu'avant, mais différemment, bon, ça nous change sans doute, mais et puis ça fait toujours plus de voitures avec plus de circuits intégrés, donc les terres rares à aller là aussi, à aller exploiter dans les conditions on ne sait pas lesquelles, etc., etc. Et tout ceci, évidemment, nous ramène à un seul et ultime argument qui est cette contradiction fondamentale entre le projet capitaliste de l'accumulation intransitive, c'est-à-dire de la croissance indéfinie et potentiellement infinie, comparé aux ressources finies de la planète. Donc, je veux dire, on peut tordre le problème dans tous les sens, l'envisager par quelque bout que ce soit, on finira toujours par buter à nouveau sur cette contradiction-là fondamentale. Qui ne trouverait de solution que dans le délire capitalo-spatial. Mais à mon avis, je veux dire, ça y va, hein, on y va tout droit aussi. Hein. Si vous voulez, si on a bousillé une planète, on pourrait peut-être en trouver une ou deux autres qui permettraient de faire la pointe. Je vous rappelle, pour les plus anciens d'entre vous, qui, comme moi, avaient vu le premier numéro d'Alien, que le Nostromo est un cargo, hein, qui ramène du minerai, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il ne ramène pas que ça. Hein. Peut-être on pourrait y voir une allégorie, je ne sais pas. Donc, mais pour l'instant, vous voyez, Bezos et Musk veulent faire du tourisme spatial, mais je suis étonné que parce que le capitalisme, quand même, est créatif en bullshit, enfin, vous voyez, en récit à la noix. Et je suis étonné qu'on n'ait pas encore droit à celui-là, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Le capitalisme spatial est bientôt à vos portes. Donc, voilà, le Green New Deal est un atermoiement, mais ce n'est pas une solution, hein, l'atermoiement. Et alors, effectivement, dans votre question, il y avait le fait que les informations sur le dérèglement climatique nous parviennent à un rythme, mais alors quasiment constant et un peu effrayant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire un truc sur l'éco-anxiété, qui est un thème qui me plaît beaucoup, mais vous écrivez, tout ceci contribue à une prise de conscience de la nécessité d'une transformation radicale de notre système économique. Alors c'est là le point important sur lequel je voudrais citer à nouveau Stéphane Foucart, remarquable journaliste du Monde, parce que j'ai eu avec lui, je l'ai pris à partie... Mais bien gentiment. D'ailleurs, il a tout à fait, il n'en a pas du tout pris ombrage, puisqu'on s'est écrit après. Parce qu'il avait fait une chronique remarquable également. Mais là, je le dis vraiment au premier degré. En fait, j'ai l'air de rire, mais c'était vraiment très très bien. Parce que là aussi, c'était une démolition de la pensée profonde de la chefferie du journal Le Monde, qui croit dur comme fer, aussi bête que Macron, qu'avec de l'innovation technique, on peut venir à bout de tout, n'est-ce pas? Ah ben non, non, non, les gars, désolé pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Et Foucard faisait une démolition magnifique, je veux dire, de cet argument idiot. Et c'est ça qui était dommage. C'était un peu gâché à la fin par le fait qu'il disait, en réalité, c'est pas par l'innovation technique qu'on va s'en tirer. Ce qu'il faut, c'est revoir notre mode de vie. Il faut revoir nos habitudes. Il faut revoir notre système économique. Dans le cas où il était le plus précis, c'est ça qu'il disait. Et vous voyez comme tous ces mots, tous ces syntagmes, tous ces termes sont autant d'évitements. Autant d'évitements pour dire quoi ? Pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, dans mon syllogisme. Parce que je n'ai pas dit la conclusion. S'il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste, alors il faut sortir du capitalisme. Et à un moment, il va bien falloir se rendre à cette conclusion, si vous voulez. Et c'est ça le défi, hein. Moi, je me suis mis tardivement, hein, à ces questions, je ne sais plus comment les appeler, hein, parce que j'ai moi-même éliminé le mot écologique. Mais je pense qu'il faut l'éliminer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que écologie, c'est comme si c'était une question séparée, qui a son ministère. C'est une politique publique au milieu de la politique économique, la politique du logement. Etc. Ah non, non, non, non, c'est plus du tout ça. C'est juste la question de la survie de l'humanité. Parce qu'à la fin des fins, et dans un processus de rectification permanente du langage auquel j'essaye de m'astreindre moi aussi, parce que je finis toujours par avoir un cran de retard sur le cours des événements et ma pensée qui fait drapeau derrière, je crois qu'il faudrait même plus dire écocide. C'est d'anthropocide qu'il s'agit. Parce que je veux vous dire, à la limite, la planète, elle s'en fout, hein. D'être totalement goudronné, d'être un désert brûlant ou juste une énorme masse de flotte, ça l'empêche pas de persévérer dans son être de planète. Aucun problème. Non, c'est nous le problème. Vous voyez ? Donc l'écocide, c'est un anthropocide. Donc moi, je vais vous dire, hein, maintenant, l'alternative, c'est anthropocide ou capitalocide. C'est ça l'alternative. Et alors, figurez-vous que dans le train, dont le balancement était agréablement heuristique, il m'est venu une idée pour le dire. Alors, je vous propose, hein, le slogan de l'allée Paris-Lausanne. C'est très simple. Tina. Série no alternative. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Si vous voulez éviter l'anthropocide, il faut le capitalocide. C'est très simple. Et alors, vous voyez, moi, je trouve ça assez agréable parce qu'il n'y a plus d'alternative. C'est l'énoncé qui, normalement, doit être radicalement banni de tout discours politique. La politique, c'est qu'on peut toujours faire autrement. On peut toujours défaire ce qui a été fait pour le refaire autrement. Sauf quand ce dont il est question, c'est de la destruction des conditions d'habitabilité de la planète par les hommes. Alors là effectivement, il n'y a pas l'alternative, c'est soit les hommes encore dessus, ou plus d'hommes dessus. C'est ça. Bon, alors moi, l'idée de leur renvoyer dans la gueule leur propre slogan, ça met, et puis alors, un peu stéroïdé, quoi, vous voyez, hein. C'est pas comme, j'aime assez. Donc je pense que je vais m'occuper à populariser ce nouveau et original slogan dans l'avenir. Que on a compris, tu le disais toi-même, les invendus, ça, il y a moyen d'en faire un business maintenant. Il y a des entreprises qui en font un business, quoi, qui revendent ça. Il y a plus d'un tiers de la nourriture produite et gaspillée en Belgique ? Probablement, oui. Entre ce qui n'arrive même pas dans les magasins, c'est-à-dire qui reste chez les grossistes, des criers ou des choses comme ça, ce qui est perdu dans les magasins, ce qui rentre dans les filières de seconde vie hein, les invendus, le circuit social ou le circuit de revente, là-dedans aussi, il y a des pertes. Et in fine, que ce soit à la maison, chez le consommateur ou dans le monde du social, ce qui est dans l'assiette, tout n'est pas consommé non plus. Donc, si on devait accumuler toutes ces valeurs, c'est probablement plus d'un tiers. Hein. Oui, et donc, en fait, les invendus, c'est... Tu dis le truc finit ton assiette qu'on entendait quand on était gosse, c'est un truc qu'on n'entend plus maintenant. S'il reste la moitié de l'assiette chez quelqu'un, ça ne choque plus personne. On jette à la poubelle. Oui, mais il y a une différence entre... enfin, moi, j'essaie de ne pas m'égarer parce que tu prends des chemins. Il y a une différence entre se dire à la base, on produit plus parce que de toute façon, il y a du gaspillage et que ce gaspillage va être d'office... redistribué. Il est financé au départ, tu vois, puisqu'il faut le produire. Il est financé par le consommateur. Puisqu'il faut le produire. C'est pas le consommateur qui décide de ce qu'on produit. Non, malheureusement, c'est l'industrie agroalimentaire. Ok, là on est d'accord. Hein, L'agroalimentaire, elle te dit, je te vends un kilo de tomates 3,50 €. Dans les 3,50 €, il y a ma perte qui est financée. Ouais. Donc, le consommateur paye la perte. Et donc, quand le grand magasin donne les tomates à une société qui va encore les revendre et qui récupère un peu de sous là-dessus, il les vend une deuxième fois. Et donc, c'est le consommateur, en fait, qui finance tout le bazar. Ça ne m'étonnerait pas. C'est tout à fait vrai, ce que je dis. Tu dis toi qui es président de... T'es président de quoi exactement ? Du ralliement des fourchettes. Ah oui, de ce projet-là particulier, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce projet qui démarre, qui n'est pas vieux ? Ça fait 3 ans et demi maintenant que ça existe. Et qu'est-ce que j'en pense ? Ben, je suis assez ravi, sauf que je suis très paniqué par rapport au mode de financement. Parce que c'est vrai que si on veut survivre aujourd'hui, on va devoir trouver des sources de financement autres que des subsides et des pouvoirs publics. Et on va devoir faire des choses commercial, être présent sur des événements, des trucs comme ça, pour avoir des petits sous en plus. Parce qu'il faut financer les salaires, il faut financer le carburant qu'il y a dans le food truck, il faut, et les salaires et de la compétence. Même si on a des bénévoles, on a beaucoup d'énergie autour de ce projet. Le social, si je comprends bien, votre projet là, de food truck, ça... Vous essayez de retomber déjà sur vos pattes pour en faire... pour ne plus dépendre des subsides si jamais... Exactement. Et non, on espère, je pense, qu'on aura toujours une base de subsides pour faire tourner le projet, mais on doit se battre pour trouver de l'aide bénévole, de continuer à avoir beaucoup d'invendus pour pouvoir les retravailler et les distribuer. Donc c'est aussi une forme de gratuité, ça ne nous coûte pas d'argent, c'est que de l'énergie, quoi, on va dire. Et trouver peut-être d'autres sources de financement, parce qu'on a été... On a été financé au départ par une fondation qui était enthousiaste avec le projet, qui s'est dit, voilà, on va donner un peu de sous, comme ça, vous démarrez le projet. Une fois qu'on a démarré le projet, après, à nous de nous déberder, mais non, pour le faire tourner avec les armes qu'on va trouver en chemin. Ouais, j'essaie de comprendre. Hein. Je ne comprends pas bien tout. Mais quoi, ça veut dire que le social est mort et que ça y est, maintenant, il faut se débrouiller par soi-même pour faire vivre... C'est ça que tu me dis ? C'est ce qu'on pourrait comprendre dans ce que je dis, mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Tout n'est pas aussi simple, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. On demande à toutes les associations en Europe, en Belgique, en région bruxelloise particulièrement, d'avoir un plan financier, quoi. Et donc, en fait, on fait un projet pour venir faire de l'aide alimentaire en région bruxelloise, dans des communes où il n'y en a pas du tout, parce qu'il y a des communes à Bruxelles où il n'y a pas de restaurant social, où il n'y a pas d'épicerie sociale, où il n'y a rien. Donc, le food truck, il a cette utilité-là, de se rendre dans des zones où il n'y a pas d'aide alimentaire. Et on nous demande, c'est quoi, comment vous allez rentabiliser votre projet ? Mais on n'est pas dans un modèle économique, mais c'est ce que les pouvoirs publics nous demandent. Comment est-ce que vous allez rentabiliser le projet ? Ben, en demandant des... Ouais, c'est le mot rentabilité, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, vraiment, on est là-dedans, alors ? On est tout à fait là-dedans. Et pas qu'au ralliement des fourchettes. Le ralliement des fourchettes, c'est anecdotique. Mais il y a plein d'associations. Mais quand je dis plein, voilà, presque toutes les associations, on leur demande c'est quoi votre plan de survie ? C'est pas votre plan de survie, c'est quoi votre plan de rentabilité ? Comment est-ce que vous allez récupérer, comment vous allez avoir des sous, quoi ? Mais quoi, et comment vous répondez-vous à ça? Mais moi, je fais semblant, je fais l'autruche, quoi. Je dis, on va demander des sous au CPS ou aux communes dans lesquelles on va donner de l'aide alimentaire. Mais si on... Et ça, ils trouvent ça sympa. Ils trouveraient sympa que quand on va à Watermal-Boisfort, on demande à Watermal-Boisfort 5 000 euros par an pour aller donner près des logements sociaux, de l'aide alimentaire. Mais la commune de Boisfort qui nous donne 5 000 euros, c'est toujours le citoyen qui paye. Il y a un truc qui cloche, quoi. Je veux dire, on se voit de la face. Des subsides aussi. C'est le citoyen qui paye. En l'eau, c'est une administration ou une autre. Mais en fait, ça pèse toujours sur les deniers du citoyen. Il y a un truc qui ne va pas, quoi, là-dedans. Mais un subside, parce que là, attends, moi, je m'y perds, alors. Un subside public, c'est l'argent du citoyen. Oui. Que ce soit à Watermal-Boisfort ou ailleurs. Et donc, les pouvoirs subsidiants qui nous subsideraient pour une grosse 50%, mettons, du projet, on leur dirait « Ah, mais vous inquiétez pas, on va les autres 50%, on va les demander aux communes. » Et alors, ils sont contents avec ça, ce qui est quand même absurde, quoi. Ce qu'il faudrait idéalement entendre, c'est que on n'est pas à faire de l'alimentaire et que au lieu de dépenser tous ces sous à faire des projets comme ça, on donne directement des chèques alimentaires aux gens qui ont besoin qui savent pas boucler la fin de mois. Oui, parce que c'est ça un peu le. Moi, j'avais les paroles de Christine Mailly, quoi, qui se bat vraiment pour changer cette pauvreté. non. Mais du coup, quand on rencontre le ralliement des fourchettes, bon, ben, je comprends qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. On l'a vu avec les gilets jaunes, beaucoup, hein, qui disaient que déjà le 3 du mois, il n'y avait plus d'argent. Et donc, mais Marie aussi l'expliquait dans le micro ouvert que les gens payent ce qu'ils doivent payer, quoi, loyer obligatoire, hein, les factures, on ne s'est pas y échapper, et que du coup, pour manger, c'est galère. Et donc, le food truck, le ralliement des fourchettes, vient aider, on va dire, là-dedans. C'est une goutte dans un océan, hein. Et en plus, on n'arrive pas à toucher beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est déjà ça, et on le fait aussi à titre exemplatif. Si nous, on arrive à le faire, ça veut dire que d'autres peuvent le faire. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour... Tu m'aurais simplement parlé du projet, ça, je t'aurais dit, bah oui, il y a moyen de le faire. Il n'y a pas besoin, ça, c'est pas un truc non plus. Donc il y a moyen de le faire, mais il faut le faire. Parce que la crise alimentaire, l'accès à l'alimentation digne et saine, elle va être de plus en plus dure. Pour la classe moyenne, pour les gens qui sont aisés, ils s'en foutent que le budget bouffe double. Ils s'en foutent complètement, mais pour des gens qui ont qu'un budget serré, la classe moyenne, la classe ouvrière, le budget bouffe, ça représente beaucoup, et il y a un moment où il n'y a pas assez d'argent. Et c'est là que le bas blesse. On n'a jamais fait autant de colis alimentaires. Là, maintenant, tous les chiffres explosent. Nous, on le voit ici à Lillo avec notre personne sans-abri. Il y avait 3 000 sans-abri avant le Covid. Il y en a 7 500 maintenant. Donc, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. En quelques années, la situation se dégrade à fond de balle. Oui. Mais que faire? Il reste... parce que je vois... Il reste 5 minutes. Que dire d'essentiel encore sur tout ça? Ouais. Mais t'as vu que là, on se comprend pas, on va réécouter, mais quand tu me parles d'argent et que tu me parles de... Parce que les gens vont réécouter ça, moi aussi, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Il dit, tu me parles d'argent et tu dis, on me dit d'aller chercher l'argent à Watermal-Boisfort ou au CPS, mais c'est quand même de l'argent de monsieur et de madame tout le monde, mais même si tu demandes de l'argent à la région de Bruxelles-Capitale, c'est de l'argent de monsieur et madame tout le monde, tu vois. Mais imaginons qu'on demande un subside à Bruxelles Environnement, parce qu'on est un projet good food, parce qu'on fait on récolte les invendus, qu'on transforme et qu'il y a un projet alimentaire derrière. Imaginons qu'on ait un subside comme ça. Ils vont nous demander comment est-ce que vous allez pérenniser votre projet ou comment vous allez le financer. Et si on leur dit, ah ben les communes vont aussi nous donner de l'argent, ils seront d'accord. Alors que quelque part, l'argent qui vient de Bruxelles Environnement ou d'une commune, c'est la même manne, c'est quand même le citoyen. C'est ça que je dénonce. C'est qu'on fait semblant de demander aux associations d'être rentables en n'allant pas chercher de l'argent dans des mécaniques qui sont saines, quoi. Ça ne fait que peser sur les données de l'État. C'est ça que je dis. Tu dis ? C'est pas clair ? Si, ça l'est sûrement, mais je suis un peu concentrée. Tu vois, j'ai eu un gros choc dedans, là. Non, mais oui, c'est clair. Mais en même temps, je trouve que Moi, je suis pas très à l'aise dans ce projet. J'essaye de comprendre. Je te dis, c'est quoi? C'est comme si je avec les discussions de Marie, de toi, c'est comme si on rentrait dans un drôle d'univers où c'est pas bon. Ben voilà, t'as les subsides annuels, tu fais fonctionner ton truc et puis basta quoi. C'est simple, tu vois. Là, c'est pas comme ça. Là, c'est on lance un projet, il marche. On a des fonds d'une fondation, on a des fonds de la région, de la COCOF, et puis on aimerait bien aussi faire un fonds plus privé, où on fait des événements pour les gens. C'est comme si on parlait plus en soi de la pauvreté, de la difficulté des gens, de comment faire pour y remédier, tu vois, de plus mettre l'accent là-dessus, mais plutôt, ouais, c'est... De plutôt réfléchir à l'appel à projet, voilà, aux subsides, aux moyens de survivre, quoi. Voilà, c'est plutôt ça que j'entends, moi. Eh bien oui, parce que pour pouvoir faire ce projet, pour pouvoir être éthiquement au point, ce qu'on était à la base, il faut passer par des chemins qui sont un peu décourageants au niveau éthique, justement. Hein, parce qu'on passe par le monde politique, parce qu'on passe par devoir faire des courbettes. Pourquoi tu me parles d'éthique, là? Je comprends pas. Mais parce que devoir faire des courbettes et mentir au pouvoir public en disant oui, on va rentabiliser notre projet en faisant ça et ça, c'est, pour moi, c'est pas éthique. C'est plus simple de dire un truc cash, on va juste demander une fois un pouvoir subsidiaire de financer tout le bazar et on y va. Effectivement, comme tu viens de dire, ce serait plus facile. Et maintenant, pour revenir au début, parce que tu es en train de dire que c'est une nébuleuse, le projet, il part tout de même de l'intention de la Fédération des services sociaux et de nous, le Lilo et d'autres partenaires, de faire mieux que ce qu'on fait actuellement en termes d'aide alimentaire. En termes d'aide alimentaire, il y a sur les 19 communes bruxelloises, il y en a 6-7 qui sont très dynamiques, qui ont des CPS ou des restaurants du cœur ou des machins comme ça. Qui sont indispensables, hein. Oui. S'il n'y avait pas, ces restaurants sociaux, comment... Ça, il faudrait inventer autre chose. Et on l'a inventé, on y pense, mais ce n'est pas au point et on n'est pas prêt. Mais ça va arriver. Je pense qu'une autre formule va arriver. Non, mais moi, je parle juste d'aider les gens à continuer à se nourrir, quoi. Parce que sinon, ce serait la cata s'il n'y avait pas ces restaurants sociaux. Parce qu'au lieu d'avoir des restaurants sociaux, on pourrait imaginer le chèque alimentaire. Peut-être qu'un chèque alimentaire directement donné aux bénéficiaires serait moins coûteux à la société que tout ce qu'on doit mettre en branle pour pouvoir faire de l'aide alimentaire plic-ploc avec des restaurants sociaux et des food trucks et tout ce qu'on a mis en route. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. On est dans le système, on avance là-dedans. Et comme on s'est rendu compte que les restaurants sociaux, ils saturent, ils sont tous pleins, et qu'il y a des endroits dans Bruxelles où il n'y a pas d'aide alimentaire, on a inventé ce projet mobile, nomade. Et l'idée, c'est qu'après, il y ait des food trucks, des vélos cargo qui fassent la même chose. Peut-être pas d'autres food trucks, parce que ce qu'on voudrait optimaliser pour l'instant, c'est qu'on fait que 3-4 sorties par semaine. Donc ce food truck, il dort la nuit, il dort souvent le soir. Donc il y aurait moyen, si on a plus de main d'œuvre, d'aide, de bénévoles, on pourrait faire tourner la machine. La machine, j'entends le food truck, tout le temps. Avec plus de repas distribués. Là, on est le food truck, il est lié au nombre de personnes qui sont dédiées au projet. Donc il y a 2 salariés pour l'instant, 2,5. Ils ne savent pas travailler 24/24, donc le food truck, il dort. Contrairement aux agriculteurs, quand ils achètent une moissonneuse lieuse-batteuse, cette moissonneuse, elle travaille 24 heures sur 24 pendant le monde agricole parce qu'on se la refile d'agriculteur en agriculteur. Ben, ça coûte trop cher la machine. Le food truck, il coûte trop cher que pour être immobilisé le reste du temps. Donc on cherche des solutions pour le faire tourner plus. Et aussi, à terme, faire envoyer de la bouffe avec des vélos cargo. Il y a déjà un exemple ici à Saint-Gilles qui est super sympa d'un gars qui fait ça tout seul. Il fait faire des repas et il va les donner lui-même, là où il veut. Comme ça, spontanément. Comme ça, spontanément. Mais il y a un gars ici, t'as vu, tu dois le savoir, hein, y a un mec là qui dort dehors, dans son petit... C'est quoi ce bazar? Ouais, c'est un sans-abri, qui a trouvé un abri. Il vit là, quoi. Il vit là, oui, à tout vent. Ouais. Hallucinant, quoi. Ouais. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, le sans-abri de Bruxelles, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, je me doute. Bon, ben, on boucle cette histoire de ralliement des fourchettes, quoi, qui cherche les moyens de la survie, quoi, en gros, c'est ça, hein. Mon message, c'est qu'on vit avec des, on vit et on redistribue des invendus alimentaires, et on est un monde associatif qui fait pas de bénéfices, on fait pas ça pour le pognon. Et il y a maintenant plein de gens qui font ça pour le pognon, et ça, c'est vraiment incroyable, quoi, et que les pouvoirs publics le suivent et que certains médias trouvent ça chouette, ça me rend dingue. Mais vite une dernière, il reste 2 minutes. Quand tu dis qu'il les invendus, j'ai compris, il y a des gens qui en font des pognons. Parce qu'ils ils essayent de revendre ça à qui, à quoi alors ? Parce que ça reste des invendus. Ben, ils les vendent à qui ils veulent. Hein. Ils ont un site, c'est des applis. Tu vas sur ton téléphone, tu tapes le nom de la boîte et tu vois où le camion va, à quelle heure, quel jour, et tu vas acheter tes trucs. Le comble, c'est que j'ai même des collègues. Sûrement moins cher alors. Ben oui, c'est la moitié du prix du magasin. Ouais. Mais le comble, c'est que j'ai des collègues d'ici d'entreprise qui y vont, qui font appel à cette boîte alors que ça va nous nuire. Il y a le CPS Duc ici qui a 3 km. Ils viennent de perdre 4 magasins. Le CPS Duc, ils font 300 colis alimentaires par jour. Du jour au lendemain, après 10 ans, ils arrivent dans une grande surface bien connue par les Belges. On leur dit « Ah non, c'est fini, on ne vous donne plus à vous, on donne à une société maintenant. » Donc les 300 colis, c'est plus que 100 ou 50 colis par jour qu'ils savent faire. Et voilà, et ce n'est pas les seuls. Il y a deux paroisses à Woluwe qui avaient des invendus aussi. On leur a dit du jour au lendemain que c'était fini. Merci, je dois couper. C'est obligé, sinon on n'entendra pas.